et bienvenue chez les Toqués de la Culture, l'émission qui vous parle sans détour de santé mentale, de culture et d'inclusion. Je m'appelle Pierre et je vais vous accompagner pour les prochains épisodes du podcast. Je ne serai pas seul puisque je suis accompagné de toute une équipe motivée par le sujet. L'inclusion, c'est un mot qui peut vous paraître compliqué, obscur. Peut-être d'ailleurs que vous n'en avez jamais entendu parler. Pourtant, c'est un mot essentiel dans la société de nos jours. Je pense par exemple au combat contre le racisme, contre les discriminations sexistes, et ce sont des combats toujours d'actualité. Savez-vous aussi qu'il existe des préjugés contre le handicap et notamment la santé mentale? Émission initiée par la médiathèque Manufacture de Nancy et proposée aux usagers du CATTP Delta qui nous accompagnent tout au long de cette émission pour témoigner de leur vécu. Je commence par vous présenter les usagers des deux structures. Tatiana, Sophie, Baptiste, Léon, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien. Ensuite, voici des bibliothécaires très sympathiques qui nous fournissent le matériel et qui nous permettent de faire ce podcast. Anne et Émilie, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Enfin, je suis accompagné de professionnels de la santé, une infirmière de Delta, Hélène, et une ergothérapeute, Ophélie. Pour une fois qu'un patient demande à des professionnels de la santé comment elles vont, je ne vais pas m'en priver. Comment allez-vous? Super bien, merci Pierre. Enrhumez-moi. Au programme de cette émission, un micro-trottoir proposé par Léon, des témoignages d'usagers et une table ronde animée par l'équipe de Delta et de la Manufacture. Pour démarrer, voici le micro-trottoir. À tout de suite. Moi, je me présente, Léon. Vous fréquentez donc la médiathèque. Quel intérêt y trouvez-vous? Il y a des livres, il y a de la presse, bon, les jeux, ça m'intéresse moins, évidemment, vu mon grand âge. La passion de l'échange, de la lecture, des idées des autres, et puis un épanouissement. Plus j'avance en âge et plus je deviens curieuse. Quand vous êtes jeune, j'ai l'impression que bien, vous pensez surtout beaucoup à vous amuser. Bah, j'aime bien m'y poser pour travailler ou pour retrouver des gens pour bosser. Ah bah, c'est bien pour avoir des livres et des BD pour les cours et pour le plaisir. Alors bah, y a pas mal de livres et il y a des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve des livres surtout pour les enfants. C'est pour ça qu'on vient surtout, pour s'installer et lire des livres à nos enfants. Et puis nous avons des supports informatiques, l'internet, etc., qui nous permet justement d'ouvrir des portes et d'aller au-delà et d'essayer de découvrir encore un peu plus à chaque étape. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. Selon vous, qu'est-ce que l'inclusion? L'inclusion. L'inclusion. Je n'en sais rien du tout. J'ai su ça, mais je me rappelle plus. L'inclusion, c'est permettre au maximum de personnes de participer au maximum de choses. C'est permettre aux gens qui ont des déficits divers d'être intégrés dans le paysage des gens normotypiques, disons. Voilà. Admettre en soi-même quelque chose qui semble difficile à y être. C'est un truc de français, ça. Il y a beaucoup de mots. Là, vous pouvez penser, hein? Oui, au respect des uns des autres, l'accueil, le fait d'être chaleureux, de respecter les différences, tout ça. Je verrais ça pour... Alors, inclusion, que je réfléchisse bien à la définition du terme. S'intégrer dans un groupe. C'est pas ça? Je pense que c'est ça qui vient en tête le plus rapidement. C'est-à-dire le fait qu'on prenne de plus en plus en compte les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité dans les médias et donc on les insère dans la culture, par exemple dans les BD, dans les livres, etc. Pensez-vous que la bibliothèque, la médiathèque, soit un lieu d'inclusion? Ça devrait l'être. Ça l'est peut-être pas tout le temps. Y a des gens qui rentrent pas dans la bibliothèque parce qu'ils s'y sentent pas bien et sont pas forcément à l'aise. Mais par principe, oui, pourquoi pas? C'est un lieu où qui doit être ouvert à tout. Et à partir du moment où il est adapté. Je pense que oui, parce qu'on voit de tout âge, de tout type de personnes qui viennent chercher différents types de choses. Chacun s'y retrouve, en fait. Pour moi, oui, parce qu'on peut avoir accès à toutes sortes de cultures, peu importe qui on est. Donc, bah, pour les plus jeunes aussi, y a souvent un accès pour des personnes à mobilité réduite. Toutes sortes de choses, quoi. Et puis surtout, il y a autre chose qui est important, c'est d'avoir le contact en plus, le contact humain. Les jeux vidéo, par exemple, bah, ça peut rassembler des gens. Il y a des gens qui peuvent aimer un même type de livre et qui peuvent discuter, débattre, tout ça. Et bon, bah ouais, voilà. Et même ça fait des rencontres, c'est bête, mais des fois, toujours, même si c'est juste 15 secondes, oui, est-ce que vous avez trouvé le livre là, machin, bah, c'est toujours sympa de sa vie d'être dans son coin et d'un peu isolé. Bah, depuis la fin du Covid, c'est vraiment ce qu'on recherche surtout, les relations sociales, et ça fait du bien de reprendre un peu, comme si on reprenait un peu une vie normale après tout le Covid, quoi. Alors, justement, oui, inclusive, oui. Eh ben, avec le terme là, ça attire pas tout de suite. Hein. La médiathèque est bien plus, j'allais dire, tonique et dynamique que ce mot terne là. Il ne va pas du tout avec la médiathèque. Savez-vous s'il existe des collections, des animations adaptées à certaines personnes à la médiathèque ? Il y a peut-être des animations pour des enfants qui ont des troubles, qui sont peut-être handicapés. Oui, il y a déjà toute une collection pour les personnes déficientes visuelles. Il y a aussi une collection des livres audio. Il me semble qu'il y a les collections de LSF. C'est-à-dire LSF en langue des signes française. Et il y a aussi tout ce qui est collection en langue étrangère. Pour moi, en tout cas, les livres que je lis, ça peut plaire à tout le monde. Donc franchement, c'est super cool. Non, je ne sais pas, mais ça serait bien de les développer. Mais toujours conjointement avec des gens, d'autres gens qui fréquentent habituellement. La diversité. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi. Comme vous pouvez le constater, la notion d'inclusion a été abordée, mais pas toujours comprise. Mais on est d'accord, le contraire d'inclusion, c'est l'exclusion. Vaste sujet. Hélène et Ophélie, pouvez-vous nous en parler ? Avant toute chose, je tiens à préciser que CATTP signifie Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. La notion d'accueil est donc essentielle pour nous. Les personnes que nous accueillons, toujours sur prescription médicale, souffrent de troubles psychiques et nous leur proposons des activités qui peuvent être à médiation artistique, d'expression et ou de stimulation cognitive en groupe afin de maintenir un lien social. Tout à fait, le lien social d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en ville, pas loin d'un bus, et que nous sommes très accessibles, donc le lien social est d'autant plus facilité. Notre rôle est un rôle d'ouverture sur la cité et d'inclusion, c'est des valeurs fortes de la réhabilitation psychosociale, c'est le département auquel nous appartenons. Et pour cela aussi, nous collaborons plutôt avec des professionnels du milieu ordinaire pour permettre de déstigmatiser la santé mentale. Et toi, Émilie, peux-tu nous dire comment les bibliothèques de Nancy abordent l'inclusion ? Est-ce qu'elles sont ouvertes à tous ? Il faut savoir qu'une médiathèque est un lieu public, ouverte à tous, en accès libre. Il n'est pas obligatoire d'avoir une carte d'adhérent pour y entrer. N'importe qui peut s'y installer pour y lire, boire un café par exemple. Par contre, il faut s'inscrire si on veut emprunter des documents. La médiathèque peut faire peur, tant par sa taille, tant par ses collections et même ses usagers. Si vous venez un mercredi après-midi dans l'espace jeunesse, ce ne sera pas l'endroit le plus calme de la médiathèque. Un sentiment d'insécurité, une gêne, pourrait émerger des publics souffrant de troubles mentaux, psychiques ou cognitifs. Il s'agit donc en fait d'être attentif à nos usagers et à l'accueil que nous proposons. La médiation est un enjeu important dans le service public. C'est pourquoi nous proposons un accueil spécifique et individuel, voire en tout petit groupe, afin de nous rendre plus accessibles. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que tu viens chercher à la médiathèque ? Oui, je viens à la médiathèque et parce que ça me fait énormément de bien. Ça permet de sortir de chez moi, parce que chez moi je suis un peu isolé et puis je n'arrive pas à bien me lire efficacement. Alors que quand je viens à la médiathèque, il y a un effet de groupe, les autres sont une atmosphère studieuse qui me plaît. Et du coup j'aime me déplacer à la médiathèque pour retrouver ça en fait, c'est la sérénité et l'équilibre psychologique que ça m'apporte. Merci pour ces informations très enrichissantes. Maintenant les filles, avec vos compétences si différentes, en quoi la médiathèque est-il un lien entre vous ? Pouvez-vous nous donner des exemples, Émilie ? En plus des collections habituelles, fiction, DVD, CD, magazines, nous proposons une offre de collections adaptées, telles que les grands caractères, les livres audio, le facile à lire, des livres 10. Aussi, nous proposons par le biais de partenaires des documents en braille, des CD DESI. C'est un support permettant à toute personne atteinte d'un ou plusieurs déficiences de fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentale, cognitive ou psychique, d'avoir une mise à disposition d'une œuvre adaptée. Ce sont en fait tout simplement les principes de l'exception handicap au droit d'auteur. Et vous, Hélène et Ophélie, en quoi ça vous sert les livres ou autre chose ? Au CATTP, il y a de nombreux ouvrages illustrés qui servent de support et d'inspiration à la création à tous nos patients, et même des fois à nous-mêmes. Oui, la culture doit rester accessible à tous. C'est pour ça que nous organisons des visites régulièrement à la médiathèque. Donc nous nous délocalisons pour venir jusqu'à vous. Tatiana, peux-tu nous parler de ton expérience ? Oui, je peux dire qu'il y a un réel réseau de solidarité entre la médiathèque de Nancy et le CATTP Delta, et qui me permet de réactiver mes connaissances acquises lors de l'élaboration de mon doctorat en lettres classiques. Alors, si je viens à la médiathèque, c'est surtout pour consulter la collection Ferian. Voilà, une collection de textes à gros caractères qui procure un grand confort de lecture. Par exemple, la première fois que je suis venue, j'ai pris un livre de Françoise Chandernagor, qui est une historienne du monde antique, et ça m'a tout de suite reconnectée à mes études de lettres classiques. En 2016, j'ai commencé à venir à l'atelier Delta, parce que dessiner, pour moi, ça en revient à écrire quelque chose sur soi. Et donc, dans ce contexte-là, je peux parler du réseau de solidarité entre CATTP et Delta, et la médiathèque de Nancy, et je peux dire que les infirmières du CATTP Delta ont eu une excellente idée en ayant eu ce projet de faire un podcast, car même si nous sommes de grands adultes, on a toujours quelque chose à apprendre. J'ai une dernière question à vous poser. On a parlé de notions d'accueil, de médiation, de collection adaptée, mais qu'en est-il des animations ? Est-ce que vous en proposez ? Oui, d'ailleurs, le partenariat entre la médiathèque Manufacture et le CATTP Delta est né en 2018 d'une animation autour de l'exposition d'œuvres picturales, écrites et sonores créées par les patients du CATTP durant plusieurs mois. Oui, cette exposition a remporté un franc succès. Hein. C'était vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu espérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons décidé de poursuivre notre partenariat avec la médiathèque pour proposer une heure du conte. En fait, les patients ont préparé des décorations artistiques, ont préparé leurs textes et ils ont lu donc des contes aux enfants animés avec des marionnettes. Et donc, ça s'est passé devant un public d'adultes et d'enfants à la médiathèque du Haut-du-Lièvre cette fois-ci. Et ça a bien fonctionné aussi, on a eu beaucoup de retours positifs. Oui, on a même eu une demande là, d'une association qui est venue avec des enfants lors de cette heure du conte pour refaire une heure du conte. Et en attendant de pouvoir répondre à cette attente, on a continué le partenariat avec la médiathèque en proposant une émission de podcast comme vous écoutez actuellement. Et toi Sophie, peux-tu nous parler d'une animation à laquelle tu as participé ? J'ai réalisé l'heure du conte à la médiathèque du Haut-du-Lièvre avec toute une équipe. On a choisi plusieurs livres dédiés aux enfants. C'était très intéressant parce que on devait aussi l'animer avec des petits personnages qu'on avait fabriqués de nos mains. C'est comme une journée hors du temps. J'ai pu renouer avec une partie de mon enfance en intégrant cette atelier. Merci les filles, je suis bluffée. Et toi Émilie, que peux-tu rajouter ? Pour conclure, en fait, il s'agit juste pour nous rendre visibles au sein de la cité. En proposant des animations, nous tissons un réseau, nous nous faisons connaître des structures et des usagers. C'est un travail conjoint. La médiathèque, tout comme le CATTP Delta, vont rayonner sur le territoire. Et en faisant des animations avec des personnes souffrant de divers troubles à destination du tout public, nous tentons de déstigmatiser le handicap, la différence. Et selon moi, la connaissance, c'est la clé de l'inclusion. Eh bien, merci pour ces premiers podcasts qu'on a pu réaliser grâce à la médiathèque de la Manufacture de Nancy en partenariat avec le CATTP Delta. Rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir.